Ils n'avaient pas le droit d'y aller. En bleu, c'était même que les chefs qui s'en occupaient. Un grand bleu n'avait pas le droit d'aller voir un dessinateur. Et inversement, alors, un dessinateur... Vous, c'était pas militaire, alors c'était oui, plus, bah un peu, c'était serré. Alors que nous, à la Bretagne, si ça allait pas, on aurait trouvé des dessinateurs, ça va pas, ils venaient à bord avec le plan. Bah, ah, donc la souplesse est... Oui, c'était, et cet esprit-là, on le garde encore. 50 ans après, nous, on garde notre esprit de Caramadry, que la Loire, ils n'ont pas. Et c'est vrai, ça, parce que il y en a un qui était délégué, qu'on appelle Jojo de Moscou. Parce que c'était... Je le connais, il est encore, il est arrosé. Il s'occupe de tourisme et loisirs. Hein, c'est un camarade CGT. On l'appelle, comme il s'appelle Georges, c'était Jojo de Moscou. Et ben, lui, une fois, il était prêté à la Bretagne. Moi, j'étais traceur. Et puis, un jour, je traçais le travail pour les gars qui venaient prêter de la Loire. Alors, bien tantôt, il me dit, viens par ici. Il m'a amené le long du quai, côté du bateau. Il dit, tu commandes? Non, je commande pas, je trace. Oui, mais dit, nous, à la Loire, c'est le chef qui commande. T'es pas chef? Je suis pas chef. Et je commande pas, de toute façon, je trace. Oui, mais là, nous, à la Loire, il y a le chef qui décide et l'ouvrier de revenir et tout. Alors là, il m'avait ramené, il était délégué CGT. Parce qu'à la Loire, c'était que le chef qui devait commander. Ah, c'est comme ça, hein. Je veux dire quelque chose. Ouais, alors, à la fusion de la Bretagne après, je suis tombé avec les gars de la Loire. Comme je suis rentré au service téléphonique, j'avais les confidences de tous les chefs de la Loire. Eh bien, dans le bâtiment chez nous, à l'entrée en bas, il y avait l'assistance sociale qui était mise là. Le directeur de la Loire a dit comme ça, je veux plus voir l'assistance sociale là, je veux pas voir de gants en bleu dans le couloir en bas. C'est vrai, c'est les gars de la Loire qui l'ont dit. Et ils l'ont mis après, qu'on appelait le chalet suisse, un tel bureau qui était au bout des bâtiments. Il y avait une balustrade en bois, c'est pour ça qu'on l'appelait le chalet suisse. Après, il y avait une balustrade. Et bien, l'assistance sociale et l'infirmerie étaient à part. Le directeur ne voulait pas voir de gants en bleu dans le couloir. Ça, c'était l'esprit de la Loire. C'est pour ça, moi j'ai vu ça par les gars de la Loire, en discutant avec eux. Alors qu'à la Bretagne, bon, c'était chacun à parler, dessinateur à bord. Et ça, on l'a gardé longtemps après. Et c'est un peu pour ça. On n'a pas un gars de la Loire avec nous. C'est bizarre ça, à faire chantier 30 ans qu'il est fermé. Voilà. C'est resté. Donc l'ambiance. Hein. Parce que comme avec Michel, on parlait des bateaux dans les cabines, souvent on était 6 dans une cabine, il y avait 2 menuisiers, toujours les mêmes, 2 électriciens, un peintre et puis les gars qui mettaient le lavabo. On se retrouvait à chaque bateau ensemble. Les 2 menuisiers, il y en a qui ont été 30 ou 40 ans, des menuisiers, toujours les 2 mêmes. Hein, donc c'est un peu comme deux frères si on veut. Hein. Et les électriciens, on se changeait souvent parce que des fois il y avait des boulots plus durs ou il y avait des boulots où on était tout seul. Mais les menuisiers, il fallait qu'ils soient deux souvent pour faire les cabines. Eh bien, j'ai vu des menuisiers, vraiment c'était des frères parce que et ceux qui étaient pas toujours les deux. On se dit, ah tiens voilà machin les deux. C'était bizarre, c'est comme ça. À la Bretagne ça, mais la Loire c'est pas pareil. On en parle souvent que pourquoi qu'on ne voit pas une analyse de ça qui est comme bizarre. Oui. Donc ça vient du travail, je pense. Hein. L'organisation du travail. Oui, puis l'esprit de bon, camaraderie, mais si on veut. Mais parce que nos chefs, ils nous engueulaient aussi, mais seulement un dessinateur, on était bien avec un dessinateur. Alors qu'à la Loire, un dessinateur n'aurait jamais été à bord. C'est ça, c'est une histoire. Et ça explique peut-être pourquoi on ne les voit pas. Un trésorier, mais il est mort hélas, qui était de la Loire, il venait, mais toujours la Loire, mais la Loire, j'ai pour rien d'abord d'autre, ils veulent pas venir et tout. C'est bizarre, hein. Alors là, ici, c'était à la Loire, ça s'appelait le parc à tôles. Toutes les tôles étaient là. Il y avait une grande grue ici qui allait de Pont Roulant, où les tôles étaient là pour les bateaux, hachés à l'avance. Ce qui a disparu à la fin, parce que les tôles, pendant un moment, les chantiers faisaient des stocks de tôles, et puis ils les revendaient au prix coûtant après. Et puis il y a eu un impôt il y a quelques années, où il n'y a plus de droit d'avoir des machins sur les stocks. Alors là, ils commandaient les tôles au fur et à mesure. Là, le parc à tôles, c'était rétrécité. S'il y a plein. Ben oui, parce qu'ils achetaient les taux longtemps à l'avance. Et puis bon, ils les vendaient à l'armateur au prix fort. Et tout ça, c'était des ateliers. Ici, c'était complètement fermé en hauteur, les grands halls, qui s'appelaient US1, US2, US3. C'était la préfabrication. Usinage, c'est-à-dire l'usinage. Tout ça, c'était couvert. Et c'était mieux à la fin, quand du Bijan du Lac, ils avaient un peu de sous, on était à l'abri quand même. Parce qu'autrefois, ben, c'était souvent dehors. On travaillait dehors à la flotte ou n'importe quoi. Ça s'est amélioré quand même. Ah ouais. Ouais. Et depuis... depuis, ils ont tout détruit. Et tout a été démoli, viré. Là, je pourrais voir le plan tel en vitesse. Là. Moi, je reconnais ça par cœur. Moi, j'ai appris ça, c'est après, en 60, quand Dubigeon, avant que Dubigeon vienne, on m'a demandé d'aller au service téléphonique. Donc, c'est là que je connais tout le monde. Et puis, les greniers, les souterrains, partout. J'étais en tout le chantier. Depuis là, jusqu'à la place François II, vous connaissez là-bas, où il y a la BN, là-bas au bout. Tout ça, c'était chantier. Donc, j'avais tout ça au point de vue téléphonique. Il y avait, et puis, j'avais mon harem, mes standards 10, il y en avait 3. Et puis, on a quand même 40 lignes téléphoniques et 700 postes. Donc, occupé à temps complet, pratiquement. Ce qui explique que j'ai connu le chantier plus que Michel, parce que lui, il est dans son bureau de dessin là-haut, et moi, j'étais partout. Et comme j'avais un vieux Solex peint en bleu avec un téléphone dessus, hein, tous les gars disent, tiens, là, avec son Solex phone. Ah, ça, c'est pas cadeau. Et puis, l'ancien magasin général de la Loire, qui a été transformé, que j'assistais depuis les montages et les montages. Et puis tous les bureaux d'études qui étaient là, qui étaient à Paris. C'était le magasin général. C'est la salle à tracer qui était au troisième, si tu veux, la salle à tracer. Ils ont fait deux étages dans le milieu pour mettre tous les chiens avant. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que la salle à tracer, parce que bon, tous les bateaux et les salles à tracer c'était fait. Disons, la salle à tracer, c'était à l'échelle 1. Voilà. À l'échelle 1. Les tôles étaient. Ah, pour couper une tôle, vous posez le morceau en bois. Bon, alors. À la même grandeur. Alors ça évolue, donc tout ça, c'est une immense salle. Les mecs étaient à quatre pattes maintenant pour tracer les formes du bateau. Et après, on a eu le traçage au dixième, on appelait ça. Traçage au dixième, donc là c'était. Bon, c'était un petit plan qui faisait 1,50 m de long. Ça représentait 15 mètres de tôle à couper d'un seul coup. Allez, la machine a multiplié par 10 ce découpage. Oui. Et c'était un calque et non pas des morceaux de bois à la grandeur réelle. Alors, les morceaux de bois, c'est. Là, on savait, on avait les gars qui venaient justement sur le parc à tôle qui était là, les tôles arrivaient. Elles arrivaient par train et tout le bazar. Elles arrivaient là, du parc à tôle. Le mec, il venait tracer les formes du bateau sur les tôles. Ah, j'ai... avec un petit marteau, toc, toc, toc, toc, qui marquait tout le tour pour faire voir où il fallait découper. Après, il y a eu la mégatome. Alors là, c'est une qui découpe sous dans un liquide. Ouais, c'était un plan qui était en noir et blanc. La cellule suivait à cheval ce noir et blanc, a découpé 6 morceaux d'un coup à côté. Bon, déjà, c'est pour ça que si on faisait un bateau dans l'année, à la fin, avec moitié moins de monde, on en faisait 3 dans l'année. Oui, qui explique que le chantier a fermé. Voilà. Si on avait continué à en faire qu'un par an, on serait encore à bosser. Ah, vous voulez de savoir, plus de 2500 navires ont été construits. Ah, ouais. Loire et Bretagne. De chantier. Et on est remonté aux Romains. Il y avait des... Oui, mais c'était pas là, c'était Ratatium, Rosé, qui s'appelait Ratatium. C'est ça. Et de l'autre côté, c'est quoi là? C'était quoi là-bas? Ben ça, c'est le côté, c'est la gare de l'État. Donc ça, la gare de l'État, c'est les... les colis, comment on appelle ça? La Cernam. La Cernam qui livre les colis de chemin de fer et tout, qui va être démoli pour faire le futur hôpital. C'est là qu'ils veulent faire le CHU. Le CHU, en fait. Et là où il y a les voitures, il va y avoir 3 immeubles de 15 étages de hauteur, 45 mètres de hauteur ici, où il y a un autre arbre là. Regarde, qui a poussé comme ça. Pourquoi des immeubles de... il y a 3 immeubles de prévus. Ça fait partie de l'aménagement de... d'habitation ou de... Habitation. De tout. Oui, parce que là où il y a le cirque, c'est... il va y avoir des petits commerces, des petites maisons. Une école qui va commencer, parce que j'ai vu que l'Ageco est arrivé. Une école que dans l'air, on verra pas que c'est une école, parce qu'elle va être couverte d'herbes et d'arbustes. On dira que c'est pas de... J'en ai plantes. Hein. Alors ça devait commencer l'année dernière, et il n'y a que avant-hier que j'ai vu que la cabane à Jaco est arrivée, compresseur et tout. Et puis les immeubles seront là. Alors notre machin provisoire, on va déjecter sans doute, hein, quand il y aura les immeubles. Qu'est-ce qu'ils font à Taou en ce moment? Bah, ils ont pour la péniche La Marne qu'ils ont tapé. Ah, La Marne. La péniche qui a été achetée par le Conseil Général, qui nous appartient à nous, puisque quand il dit Conseil Général, il dit nos impôts et nos sous, donc il avoue aussi. Qui va être lancé fin juin. Donc le chantier, vous voyez quand même que le chantier de la Loire était bien. On est la Loire là, à plein. Un peu plus important que nous. Vous voyez les grandes nefs là-bas. Ben, ça venait jusqu'au cirque là, que les mêmes nefs venaient jusque là. Donc ça faisait pas loin de 300 mètres de nefs fermées entièrement à l'abri. On a peine imaginé ça. Et puis là, on était encore dans les US, les 3 bâtiments de découpage des tôles. Donc on a à peine à imaginer qu'on n'en a pas vu les halls et tout. Ça me chagrine, mais on a... Et c'est pour ça qu'on allait depuis un bout de là-bas jusqu'aux Antilles, pratiquement, quand il pleuvait, sans mouiller. Au départ, les tôles étaient amenées une par une sur la cale. Elles étaient montées une par une sur la cale. Et après, on a fait des grands bâtiments là, qui sont disparus, bien sûr. Ce qu'on appelait des halls de préfabrication, avec un toit qui coulissait, bien sûr. Et on faisait des blocs complets de navires. Et avec le Titan, là, on sortait le bloc par le toit qui s'ouvrait, et le bloc était amené entièrement sur cale. C'est pour ça qu'à Saint-Nazaire, ils peuvent faire des blocs jusqu'à 700 tonnes. Ils sont construits sur la terre ferme, ils sont amenés par leur portique dans la forme directement. Enfin, disons, moi j'étais à Saint-Nazaire, un truc qu'on n'est pas prêt de revoir, c'est les super tankers là, de 500 000 tonnes. Ils faisaient 400 mètres de long. Il y avait un vélo, le mec, il avait un vélo à bord pour aller à l'avant du navire. 400 mètres de long. 70 mètres de large. Et 30 mètres de tirant d'eau. C'est-à-dire, quand il était plein, il y avait 30 mètres de la coque qui était sous la flotte. Et il passait pas en manche. Hein. Pas question. Ah non, non, non. La manche fait une moyenne de 30 mètres de profondeur. Ah ouais. Les derniers, pratiquement. Alors il faut davantage de flotte en dessous encore. Hein. Faut pas. Ils servaient à quoi ces bateaux? Quand il y a eu la guerre au canal de Suez, que les bateaux faisaient le tour par le cap de. Cap de l'Espérance. Bonne Espérance. C'est vrai qu'ils ont commandé 500 000 tonnes. Il n'y en a plus qu'un qui est en service. D'ailleurs, les autres sont rendus à la Corse. Et ils avaient en projet des pétroliers de 100 000 tonnes. Ça n'a pas été fait, heureusement. Moi, je vois le dernier pour servir, il a fait un tour ou deux, et puis ils l'ont découpé après. Il faisait combien? Je ne sais pas, c'est les bateaux qui faisaient. Oh, une rotation par an, oui. Bah oui. Oh, évidemment, 500 000 tonnes devait être un coup. Ça, c'est qui faisait cette commande-là? Là, il y avait des compagnies. Je sais plus, il y a trois fois à Saint-Nazaire. C'était des compagnies de navigation, je crois, c'était des compagnies françaises. Je ne sais plus ce que c'était. Bon, c'était certainement des pétroliers qui les commandaient. Total, oui. Soit Total ou. Bah oui, bien sûr. Non, maintenant, ils font des. C'est des monstres qu'ils font au niveau paquebot, là. C'est quelque chose d'effrayant. Les paquebots, ils font 350 mètres de long. Il y a 11 ou 12 ponts. Ouais. Avec l'équipage et puis les passagers, ils sont 5000 d'abord. Oh là. C'est dingue, c'est des véritables caisses. On se demande d'ailleurs qu'il y a quand même. Et il paraît qu'ils sont. Ils sont pleins à chaque coup. Ben, il y a du monde à se payer des croisières. Ben, ils sont tous là-bas, ils sont tous à Miami là-bas. Où ça? À Miami, en Amérique là-bas. Ils font tout ça va parce qu'ils font des Caraïbes, quoi, les mers des Caraïbes, ils font des croisières.